Salut Radio Cayenne, un petit compte-rendu de la manifestation du 10 décembre à Nantes. Alors du coup, la journée du 10 décembre a commencé un petit peu, comme souvent, par la mobilisation des lycéens lycéennes, du coup des blocages et des débrayages dans plusieurs lycées de Nantes. Donc les lycéens lycéennes sont allés de bahut en bahut pour débrayer et ont du coup formé un petit cortège dans la ville. À noter quand même qu'a priori il y a eu aussi des actes de solidarité de la part du personnel enseignant, à l'IVET notamment, où du coup les profs et les pions, en tout cas certains pions, ont formé un cordon pour protéger en fait leurs élèves des forces de police, des interventions policières, parce que les policiers évidemment interviennent souvent sur les blocages lycéens pour éviter ces blocages. Et souvent, c'est des moments très tendus où il y a régulièrement des violences policières. Donc, super la solidarité à noter pour ce 10 décembre. Nous vivons dans un état policier, un état policier, un état policier. Ce cortège de lycéens-lycéennes a ensuite convergé avec le piquet de grève des cheminots qui tenaient une AG à la gare, donc vers 10h dans la matinée. Voilà, la fac aussi était mobilisée, le campus de lettres et sciences humaines était bloqué et occupé depuis la veille. Donc voilà, des étudiants qui ont occupé leur fac toute la nuit et avaient aussi une AG dans la matinée. Au niveau du dispositif policier, on avait énormément de contrôles. Donc dès la matinée avec la mobilisation des cheminots et des lycéens, des contrôles se sont mis en place. Et puis plus on approchait l'heure de la manif, qui était à 14h au miroir d'eau, plus on avait des cordons et des barrages de flics et de la BAC aussi qui tournaient partout. Et donc ils arrêtent les gens, ils contrôlent les identités, ils fouillent les sacs. Et ça a donné lieu à au moins 6 arrestations préventives. Donc faites attention à vous lors de ces contrôles, parce que c'est quand même bête de se retrouver en garde à vue juste parce qu'on a un objet qui plaît pas aux flics dans notre sac. C'est quand même assez aberrant ces histoires d'arrestations préventives, parce que parfois on se retrouve avec des affaires au tribunal où les gens sont accusés de posséder des objets alors qu'en fait ils ont rien fait, quoi. Ils se font arrêter juste sur des intentions alors qu'ils sont même pas encore en manifestation. Donc c'est quand même assez fou. Ça, c'est bien l'état policier à la française. Voilà. Bref, tout ça pour dire que à 14h, miroir d'eau, on a encore énormément de monde au départ de manifestation, au moins 15 000 personnes, donc gros cortège syndicaux évidemment, mais pas que. Et donc un premier tour se déroule, un premier tour très classique, hein, se déroule tranquillement, beaucoup de sonos, beaucoup de chants, des percussions, des cuivres, des chorales, des mégaphones en plus des sonos syndicales traditionnels, une bonne ambiance quand même, mais un tour assez court et assez classique. Du coup, qui se déroule sans encombre. À noter juste sur ce premier tour le déploiement d'une grande banderole au niveau de Place du Cirque, d'un des balcons d'un bâtiment, sur laquelle on pouvait lire « Ne vous dispersez pas, on tient la rue ». Donc banderole qui a été acclamée par la manifestation et qui est restée accrochée très longtemps. Ah oui, merci aux camarades. Ensemble, Voilà, du coup le premier tour se termine sans encombre. Certains syndicats s'arrêtent là et déploient leurs buvettes tranquillement. Et la plupart des gens de la manifestation continuent pour un deuxième tour. Le deuxième tour s'élance, mais est gazé au niveau de Cour Saint-Pierre. Donc voilà un premier gazage qui fait reculer un peu les gens. Et la manif se retrouve un peu bloquée vers l'arrêt de Bussouet Cathédrale. Et à ce moment-là, la BAC fait une charge et arrache des banderoles et fait au moins une arrestation. C'est un peu compliqué à ce moment-là. À un moment, du coup, la manif peut repartir vers la préfecture, donc Cour Saint-André préfecture, mais une autre partie de la manif est restée au niveau de Cour Saint-Pierre. Donc la manif est un peu scindée en deux à ce moment-là, mais elle finira par se reconstituer au niveau de la préfecture. L'hélicoptère arrive. Voilà, donc on a quand même un gros gros dispositif policier, donc je le disais avec les contrôles, mais aussi au niveau de l'encadrement policier, hein, beaucoup de flics dans les rues, mais on a des gendarmes mobiles qui encadrent toute la tête de cortège de chaque côté, qui marchent vraiment côte à côte des manifestants. Donc voilà, c'est un peu la tension permanente. Le deuxième tour se termine à peu près bien quand même. On retrouve en arrivant au miroir d'eau la CGT qui est restée là, hein, qui du coup certes n'a pas suivi pour le deuxième tour, pas entièrement en tout cas, mais est restée quand même au miroir d'eau. On en a révolte. Et je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe, et nous aurons la liberté. Voilà, et du coup, une partie des gens s'arrête aussi après ce deuxième tour, mais une autre partie de la manifestation continue. Donc sur le deuxième tour, il y avait au moins 5000 personnes hein, à continuer, facile. Et là, sur le troisième tour, les gens qui s'élancent, il y a encore un bon millier de personnes qui décident de s'élancer. Une nouvelle fois, on se retrouve bloqué au niveau de l'arrêt Foch-Cathédrale, là. Ça passe pas du tout, il y a des gendarmes mobiles partout, donc On est obligé de descendre par la rue à droite du cours Saint-André. Voilà, les gens descendent par là, remontent le cours Saint-André, et puis du cours Saint-André, on voit la BAC au complet, là, dans la ruelle derrière la préfecture. Et du coup, il y a un point de crispation qui se fait ici, puisque la BAC vise les gens, etc. Et du coup, les gens huent la BAC, jettent quelques projectiles. La BAC recule. Et finit par gazer, et du coup, bon, ça se crispe autour de cette ruelle pendant un certain temps. Les gens, du coup, reviennent faire face aux flics, et puis repartent quand ils se font gazer. Et ça dure un peu longtemps. Il y a des gendarmes en bas de la préfecture, mais les gens n'ont pas envie de refaire un tour. En fait, je pense que les gens en ont un peu marre de tourner en rond sur le parcours bien policé habituel. Le monde déteste la police, tout. Le monde déteste la police, tout. Le monde déteste la police, tout. Voilà, du coup, ce qui finit par arriver, c'est que les gens se dispersent petit à petit, mais il y a encore plusieurs centaines de personnes, et que malgré les gazages, la manif se tient toujours. Et du coup, les gens commencent à se demander par où continuer cette manifestation. Et on ne peut plus descendre du côté de la préfecture parce qu'il y a un canon à eau qui arrive. Et on ne peut pas non plus aller vers Saint-Mihiel parce qu'il y a un cordon de gendarmes mobiles qui fait des sommations. Et là, c'est un moment un peu violent et difficile parce que le dispositif policier se resserre d'un coup. Le canon à eau est actionné, il y a des gazages, on entend le 5 coups du pen-arms. Et on entend aussi des déflagrations, donc sûrement usage de grenades. Les gens remontent comme ils peuvent du coup par là où ils sont venus, c'est-à-dire en direction de Duchessanne. Ils sont suivis de très très près par les canons à eau. Voilà, du coup les gens commencent à crier grève, blocage, manif sauvage et à mettre des barrières de chantier et des poubelles sur la route pour empêcher la progression des flics qui les suivent avec le canon à eau de très très près. Blocage, manif sauvage, grève, blocage, manif sauvage. Voilà, les gens arrivent au niveau de l'arrêt de tram Duchessanne. Et là, il y a plusieurs quarts de gendarmes mobiles qui déboulent. Et du coup, finalement, les gens se dispersent plus ou moins. Peut-être qu'il y a un groupe qui est allé un peu vers la gare, d'autres plutôt vers le miroir d'eau où il y avait encore quelques syndicats là-bas. Gros dispositif policier de toute façon dans la ville encore à cette fin de manif. Hein. Il fait déjà nuit, etc. Il y a encore plein de barrages et plein de contrôles et encore des arrestations. Probablement aussi des arrestations vers le pont de Saint-Mihiel, a priori. Voilà pour la journée. Ensuite, du coup, la soirée, il y a plusieurs AG qui se tiennent. Une à la Maison du Peuple à 19h, comme c'est habituellement le cas. Et puis une autre à 19h30 à l'École des Beaux-Arts. Du coup, l'École des Beaux-Arts est fermée d'ailleurs, avec cette annonce d'AG. Du coup, l'école des Beaux-Arts est fermée et surveillée. Mais il y a quand même une ou plusieurs centaines de personnes qui s'y retrouvent et vont finalement occuper un nouveau lieu de lutte qui a vocation à devenir un QG de la lutte, qui s'appelle l'Atelier des Luttes. Et qui est d'ailleurs rejoignable, et une AG se tient là-bas avec aussi un peu de restauration, etc. Et donc plusieurs centaines de personnes préparent la suite du mouvement ce soir-là. Et voilà pour la journée du 10.